Chapitre 17 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Essais par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 17. De la peur. Obstupui, steteruncie comei, et vox fausibus. Je ne suis pas bon naturaliste, qu'ils disent, et ne sais guère par quel ressort la peur agite en nous, mais tant il y a que c'est une étrange passion. Et disent les médecins, qu'il n'en est aucune, qui emporte plutôt notre jugement hors de sa due assiette. De vrai, j'ai vu beaucoup de gens devenus insensés de peur, et au plus rassis, il est certain, pendant que son accès dure, qu'elle engendre de terribles éblouissements. Je laisse à part le vulgaire, à qui elle représente tantôt les bisaïeuls sortis du tombeau, enveloppés de leur sueur, tantôt des loups-garous, des lutins et des chimères. Mais parmi les soldats même, où elle devrait trouver moins de place, combien de fois elle a changé un troupeau de brebis en un escadron de corcelets, des roseaux et des cannes, en gendarmes et lanciers, nos amis en nos ennemis, et la croix blanche à la rouge. Lorsque M. de Bourbon prit Rome, un porte-enseigne qui était à la garde du bourg Saint-Pierre fut saisi de tel effroi à la première alarme que par le trou d'une ruine il se jeta, l'enseigne au poing, hors la ville, droit aux ennemis, pensant tirer vers le dedans de la ville. Et à peine enfin, voyant la troupe de M. de Bourbon se ranger pour le soutenir, estimant que ce fut une sortie que ceux de la ville fissent, il se reconnut, et tournant tête, rentra par ce même trou, par lequel il était sorti, plus de 300 pas avant en la campagne. Il n'en advint pas du tout, si heureusement, à l'enseigne du capitaine Jules, alors que Saint-Paul fut pris sur nous par le comte de Bourg et M. Dureux, car étant si fort éperdu de frayeur que de se jeter à tout son enseigne hors de la ville par une canonnière, il fut mis en pièces par les assaillants, et au même siège fut mémorable la peur qui serra, saisit et glaça si fort le cœur d'un gentilhomme qu'il en tomba raide mort par terre à la brèche, sans aucune blessure. Pareil rage pousse parfois toute une multitude. En l'une des rencontres de Germanicus contre les Allemands, deux grosses troupes prirent d'effroi deux routes opposites. L'une fuyait d'où l'autre partait. Tantôt, elle nous donne des ailes aux talons, comme aux deux premiers. Tantôt, elle nous cloue les pieds et les entrave, comme on lit de l'empereur Théophile, lequel, en une bataille qu'il perdit contre les Agarènes, devint si étonné et si transi qu'il ne pouvait prendre parti de s'enfuir. Adeo pavor etiam auxilia formidat. Jusques à ce que Manuel, l'un des principaux chefs de son armée, l'ayant tiraissé et secoué, comme pour l'éveiller d'un profond somme, lui dit « Si vous ne me suivez, je vous tuerai. » Car il vaut mieux que vous perdiez la vie que si, étant prisonnier, vous veniez à perdre l'Empire. L'heure exprime, elle, sa dernière force, quand, pour son service, elle nous rejette à la vaillance, qu'elle a soustraite à notre devoir et à notre honneur. En la première juste bataille que les Romains perdirent contre Hannibal, sous le consul Sempronius, une troupe de bien 10 000 hommes de pied, qui prit d'épouvante, ne voyant ailleurs par où faire passage à sa lâcheté, s'alla jeter au travers le gros des ennemis, lequel elle perça d'un merveilleux effort, avec grand meurtre de Carthaginois, achetant une honteuse fuite, au même prix qu'elle eût eu une glorieuse victoire. C'est de quoi j'ai le plus de peur que la peur. Aussi surmonte-t-elle en aigreur tout autre accident. Quelle affection peut être plus âpre et plus juste que celle des amis de Pompéius, qui étaient en son navire, spectateur de cet horrible massacre. Si est-ce que la peur des voiles égyptiennes, qui commençaient à les approcher, l'étouffa de manière qu'on a remarqué qu'ils ne s'amusèrent qu'à hâter les mariniers de diligenter et de se sauver à coups d'aviron, jusqu'à ce qu'arrivés à Tyr, libres de crainte, ils eurent loi de tourner leurs pensées à la perte qu'ils venaient de faire, et lâcher la bride aux lamentations et aux larmes que cette autre plus forte passion avait suspendue. Tum pavor sapientiam omnem mihi ex animo expectorat. Ceux qui auront été bien frottés en quelque tour de guerre, tous blessés encore et ensanglantés, on les ramène bien le lendemain à la charge. Mais ceux qui ont conçu quelque bonne peur des ennemis, vous ne les leur feriez pas seulement regarder en face. Ceux qui sont en pressante crainte de perdre leur bien d'être exilés, d'être subjugués, vivent en continuelle angoisse, en perdant le boire, le manger et le repos. Là où les pauvres, les bannis, les serfs vivent souvent aussi joyeusement que les autres. Et tant de gens qui, de l'impatience des pointures de la peur, se sont pendus, noyés et précipités, nous ont bien appris qu'elle est encore plus importune et plus insupportable que la mort. Les Grecs en connaissent une autre espèce, qui est outre l'erreur de notre discours, venant, disent-ils, sans cause apparente et d'une impulsion céleste. Des peuples entiers s'en voient souvent frappés, et des armées entières. Telle fut celle qui apporta à Carthage une merveilleuse désolation. On n'y oyait que cris et voix effrayées. On voyait les habitants sortir de leurs maisons, comme à l'alarme, et se charger, blesser et entretuer les uns les autres, comme si ce fussent ennemis qui vinssent à occuper leur ville. Tout y était en désordre et en fureur, jusqu'à ce que par oraison et sacrifice, ils eussent apaisé l'ire des dieux. Ils nomment cela terreur panique. Fin du chapitre 17.